Chapitre 5e, l'étrangère. 5 mois s'étaient écoulés. Les deux jeunes époux, après avoir visité la Suisse et une partie de l'Italie, étaient enfin de retour au château de Kerdal. Les fatigues du voyage avaient un peu pâli Fernande, et depuis quelque temps, elle éprouvait certains malaises qui sont les premiers symptômes de la maternité. Les médecins ayant conseillé l'air vivifiant de la mère, il avait été décidé, à la grande joie du marquis, que la duchesse continuerait à résider au château. Les sombres appréhensions, qui, à la veille de son mariage, avaient assiégé l'esprit de Fernande, s'étaient peu à peu dissipées. Mais elle attendait toujours le bonheur qu'elle avait rêvé près de son mari avant de le connaître. Et cependant, son mari l'aimait 1000 fois plus qu'au premier jour. Et en le voyant sans cesse aux petits soins pour elle, et ne lui laissant pas le temps d'exprimer un désir, Fernande se repentait de ne pouvoir ressentir pour lui une tendresse égale à celle qu'il lui portait, et elle s'accusait d'ingratitude. Toutefois, si l'amour n'était pas encore venu dans son cœur, elle ne désespérait pas de l'y voir entrer avec le temps, et cet espoir adoucissait l'amertume des reproches qu'elle s'adressait. José, au milieu des enivrements de son bonheur, tressaillait parfois comme fait un homme qui s'éveille en sursaut à la suite d'un rêve terrible. Mais lui, ce n'était pas un rêve qui l'éveillait. Il songeait à la créole, dont il était sans nouvelles depuis bientôt 6 mois. Le silence qu'elle gardait l'épouvantait. Pourquoi ne lui avait-elle pas écrit? Était-elle toujours à San Antonio, ou bien en route pour la France? Et Pedro Diaz, qu'était-il devenu? L'inconnu porte en soi quelque chose qui effraie. Et Don José ne pouvait se défendre d'une inénarrable terreur chaque fois que l'image de son ancienne maîtresse venait se placer entre lui et le visage adoré de sa jeune femme. Depuis que l'état de Fernand ne lui permettait plus les courses en voiture, José s'en était également abstenu et il lui tenait fidèle compagnie dans ses promenades sous les vieux arbres du parc ou sur les falaises qui dominent le grand océan. Souvent, ils demeuraient là tous les deux à contempler la mer dont le spectacle grandiose ne lasse jamais. Le regard perdu dans l'espace, à quoi presque toujours, José songeait-il? Il songeait qu'au-delà de cette vaste mer, il y avait un continent, et sur ce continent, l'épreuve vivante de son crime, Carmela et peut-être Pedro Diaz, et plus loin, dans les solitudes du désert, Jean de Clodion, devenu fou, et auquel il avait volé le nom, l'héritage du duc et la main de Fernande. Un jour, qu'après une promenade plus longue que de coutume, ils rentraient au château, ils remarquèrent une chaise de poste qui stationnait devant la grille. « Une visite à 7 heures ?» dit la duchesse avec étonnement. « Nous n'attendons personne, » reprit son mari, envahi par un sinistre pressentiment. Ils entrèrent. Un valet de pied remit à José une carte de visite. Il prit cette carte et ne put comprimer un mouvement de stupéfaction. « Qu'avez-vous ? » lui demanda sa femme, à qui le trouble de José n'avait pas échappé. « Rien, ma chère Fernande, c'est la surprise que me cause cette visite inattendue. » Fernande, à son tour, prit la carte de visite et lut « Carmela de San Luco. » « Quelle est cette dame dont le nom indique une origine espagnole ? » dit-elle à son mari. « Une de nos voisines du Texas, » répondit Don José en faisant si brave contenance que possible. « En ce cas, mon ami, hâtons-nous d'aller la recevoir ?» répliqua Fernande. Il se dirigea vers le salon où l'étrangère attendait. José, qui redoutait un éclat, respira à peine. Une sueur glacée trempait son front, mais il se rassura bientôt. Carmela, vêtue d'un élégant costume de voyage qui faisait merveilleusement ressortir sa rayonnante beauté, s'avança vers lui avec le sourire aux lèvres et lui tendant la main. « Très cher, j'arrive de Paris où j'ai appris votre mariage et je me suis fait une véritable fête de venir vous surprendre au milieu de votre lune de miel. Mais présentez-moi donc, monsieur le duc, à madame la duchesse. « Madame, répondit gracieusement Fernande, votre présentation est toute faite. Mon mari, en voyant votre nom sur votre carte de visite, m'a appris que vous étiez une amie de sa famille, et j'espère que vous voudrez bien devenir la mienne. » Et à son tour, elle tendit la main à Carmela. « C'est déjà fait, et depuis longtemps, madame la duchesse, reprit la créole en lui serrant la main. « Comment cela ? » fit Fernande en la regardant avec étonnement. « Le père de monsieur le duc m'avait montré votre portrait. » continua Carmela du ton le plus naturel, « et sans vous connaître, je vous aimais déjà. » Ce mensonge effronté, mais habile, aurait écarté tout soupçon de la pensée de la duchesse s'il avait pu en concevoir. Elle vit dans cette réponse un nouveau témoignage des relations amicales qui avaient existé entre la famille de son mari et la belle créole, et ce fut du ton le plus aimable qu'elle lui dit « Nous vivons ici en campagnard, madame. Toutefois, j'espère que vous voudrez bien nous consacrer quelques jours. J'accepte avec plaisir et reconnaissance votre invitation, madame la duchesse, répondit Carmela. Mais jusqu'à demain seulement, car des affaires du plus haut intérêt réclament un bref délai mon retour à Paris. Madame de Sanlouco nous dédommagera en faisant une autre fois un moins court séjour ici, se hâta d'ajouter Don José, qui ne tenait nullement à ce que la créole demeurât longtemps au château. Un domestique ouvrit en ce moment la porte du salon. Monsieur le marquis prit madame la duchesse de vouloir bien venir lui parler. Sans adieu, madame, dit Fernande en saluant la prétendue madame de Sanlouco. Puis elle s'éloigna. Lorsque Don José se vit seul avec la redoutable visiteuse, il sentit un frisson parcourir tout son corps. Carmela, qui l'observait et qui lisait dans sa pensée comme dans un livre ouvert, partit d'un éclat de rire. Avouez, cher ami, que je vous ai fait une terrible peur. En effet, répondit le faux-duc, et je suis enchanté que vous preniez aussi bien les choses. La créole se mit à rire de plus belle, et quand l'accès fut passé, en vérité, fit-elle d'un ton ironique, je ne vous aurais jamais cru, doué d'une pareille dose de naïveté. Que voulez-vous dire? Vous pensez, n'est-ce pas, qu'en somme, je suis bonne fille, et qu'après avoir fait de vous, pauvre bâtard déshérité, un vrai duc, riche d'une fortune considérable, je me résignerai à demeurer simple spectatrice de votre bonheur. « Je sais tout ce que je vous dois, ma chère Carmela, répondit à mi-voix José, et je vous jure que vous n'aurez point affaire à un ingrat. »« Ah, la belle chose que les promesses et les protestations !» repartit la créole, dont le regard s'irradiait d'un feu sombre. « Au nom du ciel, plus bas, car si l'on vous entendait... »« C'est juste. Ce salon ouvert à tout venant est peu favorable à un entretien intime. Cette nuit, je vous attendrai dans la chambre que votre charmante femme veut bien mettre à ma disposition, là nous pour causer de nos petites affaires sans crainte d'être dérangés. À minuit, je me rendrai auprès de vous, répondit Don José. J'y compte, mais cette fois, ne me manquez pas votre parole, sinon. La duchesse rentra en ce moment. Le dîner est servi, mon ami. Offrez votre bras à madame de Sanlouco. Le bâtard de Clodion présenta son bras à Carmela et ils passèrent dans la salle à manger. Le marquis de Kerdal, qui venait d'entrer, alla galamment au-devant de la belle créole et après avoir échangé quelques paroles avec elle, il la fit asseoir à sa droite. Le dîner fut des plus gais et Don José sut si bien se dominer que ni le marquis ni Fernande ne soupçonnèrent point les terribles pensées qui l'agitaient.